إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد وإن خير الكلام كلام الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وإن شر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار أما بعد. Donc on commence aujourd'hui le cours 20 dans l'explication de la aqida des deux Razi, Abu Hatim et Abu Zur'a al-Razi. Et on est arrivé aujourd'hui dans le point numéro 18. Le point numéro 18 dans cette aqida qui est un des exemples de la aqida des salafs qui a été compilée par les imams, les salafs al-salih. Et donc ça c'est un des exemples, comme je vous ai déjà mentionné plusieurs fois, que les imams des salafs, ils avaient l'habitude de composer des recueils dans lesquels ils écrivaient ou ils mentionnaient les éléments de la aqida d'Ahl Sunnah wal Jama'a et de la aqida des salafs, et puis ils les préservaient, ils les enregistraient, puis ils donnaient aux gens pour que les gens puissent les apprendre, pour que les gens puissent connaître la aqida des salafs. Et ça c'est quelque chose qui est resté jusqu'à aujourd'hui. Et on a des exemples de ça, puisqu'on en a fait plusieurs. La aqida de l'imam Ahmad ibn Hanbal, la aqida de l'imam par exemple Al-Ajurri, la aqida de l'imam Al-Barbahari, la aqida de l'imam Al-Sabuni, et il y en a beaucoup d'autres, et chacun ils ont différents noms. Beaucoup d'entre ces livres là s'appellent As-Sunnah, comme la Sunna de l'imam Ahmad, la Sunna de l'imam Al-Barbahari, la Sunna de l'imam Abdullah ibn Ahmad, le fils de l'imam Ahmad, la Sunna de l'imam Al-Khalal, la Sunna de l'imam Ibn Abi Asim Al-Asbahani, et beaucoup d'autres également. Et tous ces livres-là résument l'aqida d'Ahl Sunna. Dans le livre de l'aqida des deux Razi, expliqué par le Cheikh Rabi' Ibn Hadi Al-Madkhali Hafizahullah, on est arrivé au point numéro 18. Et le point numéro 18, on en a parlé, parce que c'est quelque chose qui s'est répété plusieurs fois depuis le début du livre. C'est un point dont on a parlé, c'est-à-dire la position d'Ahl Sunnati wal Jama'a au sujet des musulmans qui commettent des péchés, et la position d'Ahl Sunna par opposition à celle des Khawarij au sujet de ces gens-là. Donc, Cheikh, les deux imams, Abu Hatim et Abu Zur'a, ils disent « وَلَا نُكَفِّرْ أَهْلَ الْقِبْلَةِ بِذُنُوبِهِمْ وَنَكِلُ سَرَائِرَهُمْ إِلَى اللَّهِ عَزَّ وَجَلُ » C'est-à-dire, le point numéro 18, et on ne déclare pas mécréants, on ne va pas faire le takfir des musulmans, c'est-à-dire les gens de la Qibla, on dit les gens de la Qibla, c'est-à-dire ceux qui prient et qui se dirigent vers la Qibla dans leur prière, on les appelle, c'est une autre façon de dire les musulmans, on peut dire en arabe Ahlul Qibla, les gens de la Qibla. Donc on ne fait pas le takfir des gens de la Qibla à cause de leur péché. Donc peu importe quel péché ils ont fait, du moment que c'est pas du shirk majeur ou du kufr majeur, on ne peut pas faire le takfir d'un musulman pour des péchés. Et qu'est-ce qui a rapport avec l'intérieur, le cœur et l'intention, et ainsi de suite, ça on le laisse à Allah. On le laisse à Allah. C'est Allah qui va juger ça. Donc, qu'est-ce qu'il y a de l'intérieur, C'est Allah qui juge. Nous, on se base sur les paroles et les actions. Et si des musulmans ont commis des péchés, on ne les déclare pas kuffar hein, pour ces péchés-là. Donc le cheikh Rabi' il dit « Wa hadha raddun ala al-khawarij kama zakarna wa nakilu sarairahum ila Allah azza wa jal lana al-zahir » هو هو يقول أشهد أن لا إله إلا الله وأن محمدا رسول الله ويصلي ويقع في الكبائر في الزنا في زنا في شرب الخمر وفيما شاكل ذلك لا نكفره ونكل سرائره أو سريرته إلى الله ونكل سريرته إلى الله لأنه قد يكون منافقا ولكن نحن لا نحكم عليه بالنفاق ونجزم وإنما نأخذ بالظاهر ونعامله معاملة المسلمين في التوارث وغيره. Donc le cheikh il dit, ça c'est une réfutation des Khawarij comme on l'a déjà mentionné. Et en ce qui concerne la parole des deux imams, lorsqu'ils disent on laisse leur intérieur hein, à Allah, c'est-à-dire nous on juge seulement par qu'est-ce qui est apparent. Qu'est-ce qu'on voit, qu'est-ce qu'on entend, qu'est-ce qui est apparent. Si la personne dit, je témoigne que rien ne mérite d'être adoré excepté Allah et que Mohammed est le messager d'Allah hein, et que la personne fait la salat et qu'il commet certains grands péchés comme l'adultère, la fornication, il boit de l'alcool ou des choses de ce genre, on ne peut pas le déclarer mécréant pour ça. On laisse son intérieur, on va dire, Allah va le juger. Hein, pour ces choses-là. Ça ne veut pas dire qu'on va pas. Ça veut pas dire que cette personne-là, on va dire, c'est un bon musulman, ou que yani, c'est quelqu'un qui est correct, ou sur le yani, un bon exemple pour les musulmans. Non. On va dire que c'est un pécheur. On va dire que c'est un pervers. On va dire que c'est un croyant qui a la foi faible. Mais on va pas le déclarer kafir. D'accord. Et en ce qui concerne de son intérieur, c'est Allah subhanahu wa ta'ala qui va le juger, parce que c'est possible qu'il soit hypocrite, c'est possible que ce soit un hypocrite, mais on ne va pas juger de son hypocrisie de façon certaine hein, et déterminante. On va juste se baser sur qu'est-ce qui est apparent et on va le traiter comme on traite le reste des musulmans. Et s'il meurt, eh bien on va, hein, il va hériter comme le reste des musulmans et ainsi de suite. Les règles de l'héritage vont s'appliquer et de même qu'il va être enterré dans le cimetière des musulmans et on va faire la prière sur lui et ainsi de suite. Le point numéro 19, c'est le point suivant. وَنُقِيمُ فَرْضَ الْجِهَادِ وَالْحَجِّ مَعَ أَئِمَّةِ الْمُسْلِمِينَ فِي كُلِّ دَهْرٍ وَزَمَانٍ. C'est-à-dire que nous devons établir l'obligation du djihad et du hajj avec les dirigeants musulmans en toute époque et en tout temps. Ok, et le cheikh il va expliquer, cheikh Rabi il explique qu'est-ce que ça signifie. Il dit لأن الحج لا بد أن يكون تحت إشراف إمام من أئمة المسلمين والجهاد لا بد أن يكون بقيادة إمام من أئمة الإسلام ليس الأمر فوضى فنحن نحج معهم ونصلي وراءهم وإذا أعلنوا النفير ننفر وإذا أعلن يوم عرفات نحج معهم ونتابعهم في هذه الأشياء. Donc le cheikh explique que le hajj il doit être sous le hajj doit être fait sous la responsabilité d'un dirigeant parmi les dirigeants des musulmans. D'accord? C'est le dirigeant qui doit s'occuper et gérer de faire le hajj et d'organiser le hajj. Donc le hajj doit être fait sous les ordres et le respect du dirigeant parmi un dirigeant des musulmans. Et le djihad, il faut également qu'il y ait un chef, hein, un dirigeant, un chef d'État qui gère et qui organise le djihad et le combat. Et donc l'affaire ne doit pas être laissée de façon chaotique. L'affaire ne doit pas être laissée de façon chaotique, chacun décide et fait comme il veut et qu'est-ce qu'il veut. Non, on fait le hajj avec les dirigeants, on prie derrière les dirigeants. Lorsque les dirigeants nous ordonnent de combattre, alors on combat et on part au combat. Et si ils nous déclarent que c'est le jour de Arafat, alors on fait le hajj avec eux et on les suit dans ces choses-là. Non, tu voulais poser une question? Oui, non. Donc, on va compléter le sujet, puis après, Inch'Allah, on répondra à, au fur et à mesure qu'on va avancer dans, ce, dans, cette, dans ces questions-là, on va répondre. Ok? Parce que tu sais que dans l'islam, il n'y a pas d'obéissance à la créature dans la désobéissance du créateur. D'accord? Donc, si un dirigeant nous ordonne de faire un péché ou de tuer des innocents, on n'a pas le droit de lui obéir dans cette chose-là. Parce que dans cette chose-là en particulier, c'est quelque chose qui est haram, c'est quelque chose qui est péché. Mais s'il nous ordonne de faire quelque chose de bon ou de bien, qui n'est pas en contradiction avec l'islam, dans ce cas-là, on doit lui obéir selon notre capacité. Et donc ça répond partiellement donc à ta question. Sinon, on va continuer la suite de ce que le cheikh a expliqué, puis il y aura des réponses, Inch'Allah. Le cheikh, il dit ensuite, « Ja ashakhsun » سأل النبي سأل أنس بن مالك متى النفر؟ قال النفر بعد الظهر. رسول الله صلى الله عليه وسلم صلى بعد الظهر ونفر. ولكن عليك أن تقوم أن تكون مع إمامك. كن مع إمامك لأن هذا فهم منه أنه لا يخالف الإمام. فإذا نفر الإمام فانفر معه. Donc le cheikh il dit, un homme est venu, il a demandé à Anas ibn Malik, quand est-ce que on doit partir pour le combat, ou bien quand est-ce qu'on doit partir. Il a dit, on part après le dhuhr, parce que le messager sallallahu alayhi wa sallam, il a prié la prière de dhuhr, puis il est parti. Il dit, mais tu dois être avec ton dirigeant, hein, soit avec ton dirigeant, et c'est ça la compréhension que tu dois prendre de lui. Tu ne dois pas contredire ton dirigeant. Donc si le dirigeant part, eh bien tu dois partir avec lui. Et ça c'est par rapport au hajj ici. Il dit, il rapporte le hadith qui est rapporté par Al-Bukhari et Muslim, et il dit, « An Abdel Aziz ibn Rufay' قال سألت أنس بن مالك رحمه الله قل يعني رضي الله عنه قلت أخبرني بشيء عقلته عن النبي صلى الله عليه وسلم أين صلى الظهر والعصر يوم التروية قال بمنى قلت فأين صلى العصر يوم النفر قال بالأبطح ثم قال أفعل كما يفعل افعل كما يفعل أمراؤك. Donc c'est ça. Donc le cheikh il le résumait, puis en note de bas de page ils ont mentionné le hadith au complet, c'est-à-dire l'homme est venu voir Anas ibn Malik et puis il lui a dit, informe-moi de quelque chose que tu as compris du prophète sallallahu alayhi wa sallam. Hein? Il a dit où est-ce qu'il a demandé, où est-ce qu'il a prié le dhuhr et l'asr, le jour de At-Tarwiya, c'est-à-dire quand yani, le jour que le hajj commence. Et il a dit à Mina. Il a dit, et où est-ce qu'il a prié l'asr, le jour où les gens partent, hein, quittent Mina. Et il a mentionné où, Bil-Abtah. Je crois que c'est ça qu'il veut dire ici. Donc il a dit, fais comme ton dirigeant a fait. Donc le cheikh il dit, ça c'était une compréhension qu'il a eue, c'est-à-dire ne contredis pas ton dirigeant et suis ton dirigeant. Il dit, وَيَقُولُ فِي كُلِّ دَهْرٍ وَزَمَانٍ يَعْنِي مَا دَامَ الْإِسْلَامُ وَبَقِيَ الْمُسْلِمُونَ وَلَهُمْ أَئِمَّةٌ فَنَحْنُ نَحُجُّ مَعَهُمْ وَنُجَاهِدُ مَعَهُمْ مَا بَقِيَ الْإِسْلَامُ وَمَا بَقِيَ الْمُسْلِمُونَ فِي كُلِّ دَهْرٍ وَزَمَانٍ. Et le cheikh il a dit, hein, les deux imams ont dit que ça doit être dans chaque époque et à chaque période. Il n'y a pas un moment ou une époque dans le temps où ce ne sera pas obligatoire pour les musulmans d'écouter et d'obéir leurs dirigeants. D'écouter et d'obéir à leurs dirigeants. Donc, le cheikh, il dit, tant qu'il y aura l'islam et tant qu'il y aura des musulmans et qu'ils ont des dirigeants, eh bien, ils devront faire le hajj avec eux et faire le djihad avec eux. Donc, tant qu'il y aura de l'islam et tant qu'il y aura des musulmans, ça veut dire à toute époque et dans tout moment, toute période. Donc, il n'y a pas de temps où les musulmans ne devront pas écouter et obéir leurs dirigeants. Il y a, par rapport à ça, c'est très important parce que il y a des, parmi les gens de Bid'a, parmi les Hizbiyin, eux, ils disent, non, les hadiths qui nous ordonnent d'écouter et d'obéir aux dirigeants, c'est pas à notre époque. C'était à l'époque auparavant, quand il y avait des khulafa, quand il y avait des gouvernements, soi-disant, comme ils disent eux, des gouvernements qui appliquent la charia, dans ce cas-là, oui. Mais aujourd'hui, non. Parce qu'aujourd'hui, les dirigeants, soi-disant, ils n'appliquent pas la charia ou des choses comme ça. Alors, il faut bien comprendre une chose, c'est que même à l'époque où les dirigeants appliquaient, comme ils disent, la charia, même à l'époque où il y avait des khulafa, eh bien, il y avait des khawarij. Hein? Même à l'époque de Uthman ibn Affan et de Ali ibn Abi Talib, et des dirigeants qui sont venus parmi les dirigeants de Bani Abbas et Bani Umayya. Hein? Et après également, il y a eu différentes dynasties qui ont dirigé les pays musulmans. Et dans toutes ces différentes dynasties, il y a toujours eu des khawarij qui sont sortis à différentes époques pour se révolter et se rebeller et critiquer les dirigeants puis les combattre malgré qu'ils appliquaient la charia et à des degrés différents, c'est-à-dire que à chaque époque il y a des dirigeants, il y en a qui sont plus forts, il y en a qui sont plus faibles, il y en a qui appliquent plus, il y en a qui appliquent moins, il y en a qui jugent selon la charia plus, il y en a qui jugent selon la charia moins que d'autres, mais malgré tout on sait que notre exemple et notre référence c'est toujours retourner à l'exemple de nos salafs. Et donc, s'ils étaient capables, les khawarij, de sortir à l'époque des khulafa rachidin, comme Uthman ibn Affan et Ali ibn Abi Talib, eh bien, il n'y a personne, il n'y a pas un dirigeant qui sera dans le temps meilleur que ceux-là. Donc, s'ils pouvaient se permettre de sortir contre les khulafa rachidin, eh bien, ils peuvent se permettre de sortir contre n'importe quel autre dirigeant parce qu'il n'y en aura jamais un qui sera au même niveau de pratique et de foi que Uthman ibn Affan et Ali ibn Abi Talib. Donc ça, c'est juste un exemple. Puis sinon aussi, il faut bien comprendre ces gens-là, ils excluent ces dirigeants-là. Il y en a qui disent non, il faut que ce soit le dirigeant de toute la Ummah au complet. C'est-à-dire que ce dirigeant-là, il doit être le khalifa pour toute la Ummah en même temps. Comme le khalifa général de toute la Ummah. Et ça, ça n'a pas existé depuis des siècles. Depuis des siècles. Donc, si quelqu'un prétendait ça, eh bien, dans ce cas-là, il contredirait l'ijma du fait que les musulmans ont depuis longtemps accepté le fait que dans différentes contrées, il y a un dirigeant qui est responsable, puis dans chacune de ces régions-là, eh bien, celui qui est au pouvoir, il a les mêmes responsabilités de faire appliquer la charia et d'être obéi dans le bien que si c'était le khalifa. D'accord? Donc, même si on ne l'appelle pas khalifa, ce n'est pas grave. Si on l'appelle président, on l'appelle roi, on l'appelle sultan, on l'appelle, peu importe le nom qu'on lui donne, c'est pas ça l'important. L'important, c'est que c'est lui qui est à la position de chef dans le pays, c'est lui qui a l'autorité politique, donc c'est lui qu'on doit écouter et obéir dans le bien, même s'il a des péchés, même s'il a des erreurs. Et c'est là qu'on arrive justement à ce point-là. Cheikh, les deux imams, Abu Hatim et Abu Zura, ils mentionnent cet élément qui fait partie des éléments de la aqidah d'Ahle Sunnah wal Jama'a, qui fait partie des fondements de la aqidah des salaf, et que les gens de bid'a et les hizbiyin, comme les sururi et les qutbiyin et les takfiri et les khawarij et les jihadi et les différents groupes, ça c'est un des éléments qu'ils rejettent. C'est le point suivant, le point numéro 20. ولا نرى الخروج على الأئمة ولا القتال في الفتنة ونسمع ونطيع لمن ولاه الله لمن ولاه الله عز وجل أمرنا ولا ننزع يدا من طاعة. C'est-à-dire, on ne voit pas la permission de se révolter contre les dirigeants ni de combattre dans la fitna. Hein, ni de combattre lorsqu'il y a une fitna. Et nous, yani, il faut écouter et obéir à celui à qui Allah a donné yani, le pouvoir de nos affaires, de gérer nos affaires, et on ne doit pas retirer notre main de l'obéissance à ce dirigeant-là. Ça, c'est l'énoncé qui a été mentionné par les deux imams, Abu Hatim et Abu Zura. Et ça, c'est pas seulement un point que les deux imams en question ont mentionné. Tous les imams d'Ahl Sunnah wal Jama'a sont d'accord sur ce point-là. Hein? Regardez la aqidah de l'imam Ahmad, regardez la aqidah de l'imam al-Barbahari, regardez la aqidah de l'imam Abdullah ibn Ahmad, la aqidah de l'imam al-Khalal, et tous les autres grands imams qui ont écrit une aqidah, عقيدة السلف وأصحاب الحديث الإمام الصابوني et الشريعة الإمام الأجري et tous les autres, ils sont tous catégoriques et clairs et d'accord sur ce point-là. Et ça vient réfuter la voix des خوارج. Donc c'est ça que le شيخ il explique ici, il dit الخوارج يرون الخروج على الأئمة يعني إذا كانوا يكفرون بالكبيرة فهم يكفرون الإمام إذا خالف يعني وقع في معصية أجازوا الخروج عليه فيخرجون يسفكون الدماء وينتهكون الأعراض ويستبيحون أخذ الأموال أو أخذ أموال المسلمين وسبي ذراريهم إلى آخر مخازيهم التي وقعوا فيها بسبب هواهم وبسبب خلافهم لمنهج الله تبارك وتعالى ولما قرره الرسول صلى الله عليه وسلم وقرره القرآن وسار عليه العلماء وسار عليه الخلفاء الراشدون. Donc le cheikh il dit donc que les khawarij ils considèrent que c'est permis de sortir et de se révolter contre les dirigeants. Et donc le cheikh il dit, c'est-à-dire que si ils considèrent en partant que ils peuvent faire le takfir des musulmans lorsqu'ils font des grands péchés, donc ils font le takfir des dirigeants lorsque les dirigeants tombent dans un péché. Hein? Et ils disent que c'est permis de se révolter contre lui. Donc ils se permettent de se rebeller, de se révolter, de faire couler le sang et d'attaquer l'honneur des musulmans et de rendre halal le bien, les richesses et les biens des musulmans. Et ils prennent même leurs enfants en esclavage et beaucoup d'autres atrocités qu'ils se permettent de faire. Et on le voit aujourd'hui avec Daesh et avec d'autres groupes de Khawarij comme eux. Hein. Donc, yani, c'est des choses dans lesquelles ils sont tombés. Pour quelles raisons? Parce qu'ils ont contredit la méthodologie d'Allah. Et ils ont contredit ce que le prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam a affirmé, et ce que le Coran a confirmé, et ce que les ulama et ceux qui ont suivi les khulafa ar-rashidin ont suivi. Donc ils contredisent tout ça. Et l'imam al-Ajurri, le cheikh il mentionne sa parole en note de bas de page, il dit « وَلَمْ يَخْتَلِفَ الْعُلَمَا قَدِيمًا وَحَدِيثًا أَنَّ الْخَوَارِجْ قَوْمٌ سُوءٌ عُصَاةٌ لِلَّهِ ولرسوله صلى الله عليه وسلم وإن صلوا وصاموا واجتهدوا في العبادة فليس ذلك بنافع لهم Donc le cheikh il dit, les ulama dans le passé comme aujourd'hui, ils sont tous d'accord, et aucun d'entre eux n'a divergé sur le fait que les khawarij sont des gens mauvais, et qui ont désobéi à Allah et à son messager, même s'ils font la salat, même s'ils jeûnent, même s'ils font beaucoup d'efforts dans l'adoration, cela ne leur sera d'aucune utilité. Na'am, yudhhirun al-amr bil-ma'ruf wan-nahy 'anil-munkar wa laysa dhalika binafi'in lahum li'annahum qawmun yata'awwalun al-Qur'an 'ala ma yahwawun. Il dit, même si oui c'est vrai, ils peuvent montrer qu'ils ordonnent le bien et qu'ils interdisent le mal, mais cela ne leur sera d'aucune utilité. Pourquoi? Parce que ce sont des gens qui interprètent le Coran selon leurs désirs et leurs passions. Et ويموهون على المسلمين. وقد حذرنا النبي صلى الله وقد حذرنا الله تعالى منهم وحذرنا النبي صلى الله عليه وسلم وحذرنا الخلفاء الراشدون بعده وحذرناهم حذرناهم الصحابة ومن تبعهم بإحسان والخوارج هم الشراء الأنجاس الأرجاس ومن كان على مذهبهم من سائر الخوارج يتوارثون هذا المذهب قديما وحديثا. أي نعم. Donc c'est des gens qui essaient de faire croire aux musulmans des choses fausses, et il dit que Allah nous a avertis contre eux dans le Coran, et le prophète sallallahu alayhi wa sallam nous a avertis contre eux dans les hadiths, et les sahaba, les khulafa rachidoun après le prophète sallallahu alayhi wa sallam nous ont avertis contre eux, et les sahaba en général nous ont mis en garde contre eux, tous, de même que tous ceux qui les ont suivis dans le bien. Donc ce sont des khawarij, ce sont des gens impurs, des gens sales. Et il dit, leur voix, hein, tous ceux qui sont sur leur voie, hein, ils sont comme eux, comme tous les autres khawarij, ils héritent cette voie les uns des autres dans le passé et dans les temps présents. Et ils sortent contre les dirigeants et les responsables. يخرجون على الأئمة والأمراء ويستحلون قتل المسلمين. Donc ils sortent contre les dirigeants et les responsables, et ils rendent le sang des musulmans licite. Se permettent de les tuer. Ça, c'est quelque chose qui est incroyable. Comment pour eux, c'est ça que je pensais, parce que je voyais qu'est-ce que le gars en Tunisie, là, qu'est-ce qu'il a fait, subhanallah, quand il est venu sur la plage, puis il a commencé à tirer sur les touristes. Et bien, subhanallah, je me dis, regardez comment ces gens-là, pour eux, la vie des êtres humains, ça n'a aucune valeur. Ils tuent des hommes comme quelqu'un tuerait des fourmis ou des mouches ou des animaux ou des insectes. Ils donnent à la vie humaine aucune valeur du tout. Donc c'est des gens, c'est même pas des êtres humains, c'est même pas des animaux, hein? C'est des diables, oui, c'est des diables, clairement, ces gens-là qui font ça. Et subhanallah, comme tu les vois comme ça arriver puis tuer. Donc, c'est des gens qui essaient de montrer qu'ils ont la crainte d'Allah et qu'ils ont peur d'Allah, de faire qu'est-ce qui est haram. Pourtant, un des plus grands péchés dans l'islam et un des plus grands crimes dans l'islam, qui est le meurtre, hein, et de prendre la vie d'un innocent, de prendre la vie de quelqu'un injustement, ils le font comme si rien n'était. Ils tuent des gens comme si c'était... comme s'ils boivent un verre d'eau, c'est la même chose pour eux. Donc, c'est des gens, tu vois, quand ils font ça, tu vois comment ils sont, complètement égarés. Ils tuent ceux que Allah a interdit de tuer, parmi les musulmans et parmi les koufars qui ont une entente de paix et qui rentrent dans les pays musulmans avec une entente, avec un visa, et qui sont sous la protection des musulmans. Donc, ils rendent le sang des musulmans licite, de même que le sang des mu'ahadoun, des koufars qui sont sous la protection des musulmans, qui sont sous notre responsabilité. C'est-à-dire, c'est notre devoir de les protéger, de les défendre, pendant qu'ils sont dans les pays musulmans. Et eux, au lieu de ça, ils trahissent l'entente des musulmans et ils se permettent de porter atteinte à la vie de ces koufars. Hein? Donc ça c'est pour montrer comment ces gens-là sont égarés. Et le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit que celui qui tue un kafir qui est sous l'entente hein, des musulmans, eh bien il ne sentira pas l'odeur du paradis. Hein? Mais ça, ça semblerait que ça n'a aucune importance pour eux. Dans le sens que, de ne pas sentir l'odeur du paradis, de ne pas y rentrer, pour eux, ce n'est pas un problème. Hein? On dirait vraiment qu'ils ont pris comme guide et comme chef Iblis, la'anallah. Hein? Ils ont pris leur chef, Shaitan. Et le but, c'est pas d'aller au paradis pour eux, mais d'aller en enfer avec leur chef qui est le Shaitan. Hein? Allahumma sta'an. Donc ça c'est qu'est-ce qui s'est passé en Tunisie, qu'est-ce qui s'est passé en France ou ailleurs. Et tout ça c'est des exemples de choses qui sont en contradiction avec la charia de l'islam. Et tous les musulmans, en particulier les salafis, parce que c'est les salafis dans le monde qui sont les premiers à condamner ces choses-là, et bien en particulier les salafis, on condamne hein, tout ça. Et nos savants, c'est depuis des années, des décennies, hein, les siècles qu'ils condamnent les khawarij, c'est pas quelque chose qui est aujourd'hui seulement. Regardez, l'imam Abu Hatim et l'imam Abu Zura, ils critiquent et ils condamnent les khawarij. L'imam Abu Hatim, al-Razi, il est mort en 277. Et l'imam Abu Zura, al-Razi, il est mort en 274. 274, ça veut dire, 200, presque 300 ans après la mort, moins que 300 ans avant la mort. Après la hijra du prophète sallallahu alayhi wa sallam. Donc, déjà à cette époque, ils écrivaient des livres où ils mentionnaient des points pour critiquer les khawarij et leur méthodologie. Et en plus, c'est dans le nombre, comme tu dis, c'est dans le mois de Ramadan en plus. Donc, le crime qu'ils font est encore plus grave. Hein? Le crime qu'ils font est encore plus grave. Et le cheikh, il dit ensuite, ولمنهج الله تبارك وتعالى. Donc c'est ça. Donc on était en train de lire la citation des paroles de l'imam Al-Ajurri. Donc on va s'arrêter là pour cette citation, puis on revient à la parole de Cheikh Rabi dans l'explication de la parole des deux imams. Ils disent خالفوا هذا بأهوائهم فأثخنوا في الأمة ومزقوهم شر ممزق وتلاحقت البدع بعد ذلك وهم فتحوا هذا الباب لهذا أمر الرسول صلى الله عليه وسلم بقتلهم اقتلوهم حيث وجدتموهم هم شر الخلق والخليقة أينما وجدتموهم فاقتلوهم يمرقون من الدين كما يمرق السهم من الرمية فهذه طريقة الخوارج في كل زمان ومكان دائما يدعون إلى سفك الدماء وإلى الخروج على حكام المسلمين. Donc le cheikh il dit, ces gens là ils ont contredit l'exemple du prophète sallallahu alayhi wa sallam et la sunna et la sharia à cause de leur passion et de leur désir. Et donc ils ont Naam, certains peut-être leur ignorance, mais en grande partie, ce n'est pas à cause de leur ignorance, c'est à cause de leur désir. Et c'est sûr que la base de tous les gens de l'égarement et de l'ignorance, c'est l'ignorance. Leur base, c'est l'ignorance. Mais il y a, comme on a déjà expliqué, il y a deux formes d'ignorance. Al-jahl, hein, al-basit, al-jahl al-adi ou al-jahl al-murakkab. C'est-à-dire, l'ignorance qui est ordinaire, qui est simple, le fait de ne pas savoir quelque chose. Hein? Donc quand on te le dit, tu l'acceptes. Quand on te dit la vérité, tu l'acceptes. Parce que tu l'ignorais, donc tu étais dans l'ignorance. Quand on te l'a expliqué, la vérité, tu l'as suivi. Mais il y a une autre ignorance, c'est l'ignorance de celui qui ignore qu'il est ignorant. Il ignore qu'il ne sait pas. Ou bien, il pense qu'il sait parce que qu'est-ce qu'il a appris ? C'est une information ou une connaissance qui est incorrecte. Donc, il pense qu'il sait alors qu'il ignore. Et donc, c'est cette catégorie-là de personnes qui suivent leur passion en général, parce qu'ils refusent, même si tu leur montres les preuves, ils refusent de les accepter parce que leur connaissance, elle est corrompue. Et donc, le cheikh, il dit que ces gens-là, ils ont déchiré la Ummah, et ils ont suivi, ils ont été rejoints par les bid'ah par la suite, et ils ont ouvert la porte de la fitna. Et c'est pour ça que le prophète sallallahu alayhi wa sallam nous a ordonné de les combattre. Malgré que ce sont des musulmans. Tu vois des fois des musulmans qui disent « Ouais, mais oublie pas, parce qu'ils veulent montrer leur petit côté sentimental aussi en même temps, parce qu'ils voient les khawarij, puis ils disent « Bon, finalement, ce sont des musulmans, ils disent « La ilaha illallah, Muhammad Rasulullah, donc ce sont quand même nos frères, il ne faut pas les critiquer. » A'udhu billah. Hein? Le prophète, sallallahu alayhi wa sallam, il nous a dit « Si yani, tuez-les, combattez-les. » Où que vous les trouviez. Uqtulouhum haythu wajadtumouhum. C'est-à-dire, là où que vous les trouviez, tuez-les. Et il a dit, ce sont les pires créateurs et les pires êtres qui existent. Et le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit à leur sujet, là où vous les trouvez, tuez-les. Et dans un autre hadith, il a dit, ils quittent la religion comme une flèche qui traverse sa proie. Hein? Et ça c'est des exemples de différents hadiths dans lesquels le prophète sallallahu alayhi wa sallam mentionne ces choses-là. Et bien entendu, donc, les khawarij, il faut les combattre et il faut pas se gêner de les tuer. Même si ce sont des musulmans, même s'ils font la salat, même s'ils disent la ilaha illallah, Muhammad Rasulullah, hein? Même s'ils essaient de montrer la piété et qu'ils prétendent vouloir établir la charia de l'islam, ce sont en réalité des ennemis, hein, parce qu'ils combattent l'islam et les musulmans, et ils font même parfois plus de tort à l'islam et aux musulmans que les koufars eux-mêmes. Et souvent même les koufars les utilisent contre les musulmans. C'est ça qui est grave. Et le hadith en question que le cheikh il a mentionné, c'est un hadith qui est rapporté, il a cité ça de plusieurs hadiths, mais il y a un hadith qui est rapporté par Al-Bukhari et Muslim. Et dans ce hadith, le prophète sallallahu alayhi wa sallam, il dit, c'est rapporté selon Ali ibn Abi Talib radiyallahu anhu, il dit, « Iza haddathukum an rasulillahi hadithan, fa wallahi la an akhir min as-sama'i ahabbu ilayya min an akzib alayhi. » وإذا حدثتكم فيما بيني وبينكم فإن الحرب خدعة وإني سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول سيخرج قوم في آخر الزمان أحداث الأسنان سفهاء الأحلام يقولون من خير قول البرية لا يجاوز إيمانهم حناجرهم يمرقون من الدين كما يمرق السهم من الرمية فإنما لقيتموهم فاقتلوهم فإن في قتلهم أجرا لمن قتلهم يوم القيامة. Donc le cheikh il cite ce hadith selon Ali ibn Abi Talib qui dit, j'ai entendu le messager d'Allah sallallahu alayhi wa sallam qui a dit, il va y avoir des gens qui vont sortir vers la fin des temps, qui sont des jeunes, des faibles d'esprit, hein, des gens qui sont idiots, bêtes, faibles d'esprit, hein, des rêveurs, et ils sont jeunes. Et tu vois les jeunes, souvent les khawarij, les takfiriyin, les gens qui sont avec Daesh ou qui sont avec ces groupes-là, la plupart c'est des jeunes. Donc le prophète sallallahu alayhi wa sallam les a bien décrits, et il a dit, ils disent la meilleure parole au monde. Hein? Ils disent parmi les bonnes paroles, les meilleures paroles au monde. Mais leur foi ne dépasse pas leur clavicule. Leur foi ne dépasse pas leur clavicule. C'est-à-dire, ils parlent, ils disent des belles paroles, mais leur cœur est vide de compréhension et vide de connaissance. Et ils sortent de la religion comme la flèche qui passe à travers la proie. Hein? Et il dit, là où que vous les trouviez, tuez-les, car il y a une récompense au jour de la résurrection pour celui qui les a tués. Hein? Il y a une récompense pour ça. Et ça, est-ce que ça veut dire que si tu connais un individu qui est avec les khawarij dans la rue, tu peux aller comme ça décider de le tuer? Non. Hein? C'est parce que ça, c'est interdit de faire des choses de cette façon. C'est uniquement avec les dirigeants, c'est le dirigeant. Supposons que ce Khariji-là, c'est un individu, c'est le dirigeant qui doit l'arrêter, et, hein, et ses représentants, ou ceux qui travaillent dans la police, ou l'armée, ou des choses comme ça, ils vont l'arrêter, ils vont le juger, ils vont l'exécuter. Si c'est un groupe, le Khawarij, et qu'ils ont des armes, et qu'ils ont une force, et qu'ils combattent les musulmans, dans ce cas-là, c'est le devoir du dirigeant musulman d'organiser sa force pour, hein, avec l'armée, pour aller les combattre et les faire payer. Comme Ali ibn Abi Talib, radiallahu anhu, a fait avec les Khawarij à l'époque. Ensuite, le Cheikh, il dit, فهذه طريقة الخوارج في كل زمان ومكان دائما يدعون إلى سفك الدماء وإلى الخروج على حكام المسلمين. Donc il dit le cheikh que ça c'est la voie des Khawarij à toute époque et en tout lieu. Ils appellent toujours à faire couler le sang et ils sortent contre les dirigeants. Ils sortent et ils se rebellent contre les dirigeants. Le cheikh il dit ensuite أما الشريعة ففيها الحكمة وفيها مراعاة المصالح وفيها درع المفاسد فإن الخروج على الأئمة فيه مفاسد عظيمة ولهذا رسول الله صلى الله عليه وسلم أطلعه الله على ما سيحدث للأمة من انحراف في الحكام وفي غيرهم وتحت وتحدث عن وتحدث عن الفرق وأنها ستفترق إلى 73 فرقة كلها في النار إلا واحدة وتحدث عن الحكام أطلعه الله سبحانه وتعالى هذا هذا من معجزاته. Le Cheikh il dit, en ce qui concerne la charia, eh bien, il faut savoir que dans la charia il y a la sagesse et on tient compte des bienfaits et des conséquences négatives. Et on essaie de repousser les effets néfastes et les choses négatives. Hein? Et parmi les exemples de ça, il y a le fait de s'abstenir, de se révolter contre les dirigeants. Parce que ça ramène des conséquences négatives plus grandes que le bien qu'on essaie d'en retirer. Et c'est pour ça que le messager d'Allah, sallallahu alayhi wa sallam, Allah subhanahu wa ta'ala lui a fait voir, Allah lui a fait voir qu'est-ce qui va arriver à cette umma dans l'avenir. Par rapport aux dirigeants et autres. Et il a fait voir au prophète sallallahu alayhi wa sallam ce qui allait se produire aussi par rapport à la division des musulmans en 73 sectes et qu'elles seraient toutes en enfer excepté une. Et il a mentionné également ce qui allait se produire avec les dirigeants. Puisque tu vois dans plusieurs hadiths, le prophète sallallahu alayhi wa sallam, il nous avertit de qu'est-ce qu'il va y avoir plus tard avec les dirigeants. Il nous dit il va y avoir des dirigeants qui sont injustes. Il va y avoir des dirigeants qui vont faire beaucoup de choses qui sont mauvaises, qui vont faire des péchés. Il va y avoir des dirigeants qui seront des corps d'hommes, hein, mais des cœurs de loup dans des corps d'hommes. Qulub al-dhi'ab fi juthmani ins. Qulub al-shayatin fi juthmani ins. Des cœurs de diable dans des corps d'hommes. Hein? Donc, tout ça, il nous a dit ça. C'est des choses qui allaient arriver plus tard. Et il nous a avertis de ça. Il nous a dit qu'il allait avoir ces choses-là. Et il ne nous a pas dit, révoltez-vous contre vos dirigeants quand ils sont injustes. Et il a dit, non, écoutez et obéissez. Même s'il vous frappe le dos, même s'il vous prend vos biens, écoutez et obéissez. Et le cheikh, il dit ici, que, il dit, mais le messager d'Allah, sallallahu alayhi wa sallam, lui, il tenait compte de la plus grande conséquence bénéfique. Il regardait comment repousser la fitna, la plus grande fitna des musulmans, et comment préserver leur sang, et comment préserver leur honneur et leur bien. Il dit, Wallah, Allahu amara, bitaghir al-munkar, kuntum khayra ummatin ukhrijat lin-nas, ta'muruna bil-ma'ruf, wa tanhawna 'anil munkar, wa tu'minuna billah. ويقول ولتكن منكم أمة يدعون إلى الخير ويأمرون بالمعروف وينهون عن المنكر وأولئك هم المفلحون ومع ذلك فالحاكم شأنه شأن آخر لأن تغيير منكره يترتب عليه مفسدة أكبر وأكبر وأكبر من المفسدة التي هو واقع فيها والتي تريد أن تستريح منها أو أن تزيلها يعني تقع في مفسدة أكبر وأكبر من الفوضى وسفك الدماء وانتهاك الأعراض وسلب الأموال وما شاكل ذلك. Donc le cheikh il dit, c'est vrai que nous les musulmans on doit ordonner le bien et interdire le mal. Allah nous a ordonné de changer le mal, mais hein, avec les dirigeants c'est autre chose. Allah subhanahu wa ta'ala dit dans le Coran ce qui signifie: vous êtes la meilleure nation qui est sortie pour les hommes. Vous ordonnez le bien et vous interdisez le mal et vous croyez en Allah. Le verset 110 dans Surat Al-Imran. Et le verset 104 dans Surat Al-Imran. Et qu'il y ait parmi vous un groupe qui appelle au bien et qui ordonne le bien et qui interdit le mal. Et ceux-là sont ceux qui auront le succès. Et donc, avec le dirigeant, on n'applique pas cette règle-là de cette façon d'interdire le mal comme on le fait avec n'importe qui. Hein? Parce que de changer le mal que fait le dirigeant, ça implique des conséquences qui sont plus grandes et plus mauvaises, hein? Et plus de désordre et de corruption. Hein? Donc ça c'est pour nous faire comprendre que pour les dirigeants il y a d'autres règles qui s'appliquent. Ce n'est pas les mêmes que pour yani, le commun des musulmans. Et donc toi tu veux être épargné et reposé de ce que le dirigeant fait comme injustice, et tu t'en vas et tu essaies de l'enlever du pouvoir, eh bien tu risques de tomber dans un méfait et dans un mal qui est plus grand et plus grand que le mal que ce dirigeant l'a fait. Et par exemple de ces exemples de conséquences négatives, eh bien il y a le chaos dans la société, le fait de faire couler le sang des innocents et d'attaquer ou de toucher ou d'atteindre l'honneur des familles et des musulmans, puisque parfois par la suite, après une révolte, il y a une instabilité qui fait que la société devient totalement insécure, puisqu'il n'y a plus de force de l'ordre, il n'y a plus de police, il n'y a plus d'armée. Donc qu'est-ce qui arrive? Le résultat, c'est que chacun fait sa propre loi. Et le plus fort mange le plus faible, et des gens vont rentrer dans les maisons des autres. Et si par exemple, avant que le dirigeant soit enlevé du pouvoir, les gens s'abstenaient ou se retenaient de faire des choses haram, une fois que le dirigeant est tombé, personne ne craint plus l'autorité, donc ils se permettent de faire des crimes qu'ils ne pouvaient pas faire auparavant. Donc si par exemple quelqu'un il avait quelque chose avec son voisin, une dispute ou un problème, il va se permettre de le tuer, ou il va se permettre d'aller chez lui, de lui voler qu'est-ce qu'il voulait prendre depuis des années, ou même de violer sa femme ou de violer sa fille, hein, parce qu'auparavant il se retenait de le faire parce qu'il avait peur du pouvoir politique. Mais une fois que le dirigeant est tombé, il n'y a plus d'autorité maintenant, donc il dit, ça y est, maintenant je veux faire ce que je veux. Et donc il rentre dans la maison de son voisin, puis il tue les gens, ou bien il viole les femmes, et il vole leur argent, et puis il dit, ça y est. Hein? Donc tout ça, c'était pourquoi, en apparence, ces gens-là, ils disent, nous on veut la charia, on veut l'islam, on veut enlever l'injustice, on veut ramener le bien, mais comme conséquence de ça, le résultat, c'est tout le désordre qui suit par la suite, et il n'y a plus de sécurité, il n'y a plus de stabilité, donc tout est à l'envers. Et c'est ça ce qui se passe dans les pays musulmans maintenant. Tous les pays où il y a eu des révoltes, c'est ça ce qui s'est passé. Hein? Et regardez par exemple, qu'est-ce qui se passe en Tunisie maintenant. Ça, déjà on l'avait prédit. On l'avait prédit pas parce qu'on connaît le rêve, mais parce que ça c'est les exemples que des choses qui se sont passées dans d'autres pays avant. Et qui se produisent à chaque fois que les Khawarij et les gens de Bid'a font des révoltes, c'est toujours ça qui se passe après. Regardez les Ikhwan al-Ghannouchi, qui a fait la fitna en Tunisie. Eh bien, subhanallah, ils ont essayé de renverser le gouvernement qui était là-bas. Ils n'ont pas réussi. Après, ils sont partis en exil, première année. Ils sont revenus, ils ont fait des révoltes, ils ont pris le pouvoir, ils sont rentrés dans les élections. Hein, ils prétendent qu'ils voulaient l'islam, ils n'ont pas appliqué l'islam. Ils sont rentrés dans les élections, ils ont perdu les élections. Maintenant les laïcs sont revenus au pouvoir Et là, regardez maintenant le chaos qui se produit. Qu'est-ce qui s'est passé au Yémen? Qu'est-ce qui s'est passé en Égypte? Qu'est-ce qui s'est passé en Libye? Qu'est-ce qui s'est passé en Irak? Qu'est-ce qui s'est passé en Afghanistan? Qu'est-ce qui s'est passé en Syrie et qui se passe encore aujourd'hui? Tout ça, c'est des exemples. Regardez en Turquie. Je ne sais pas, là, je pense que dernièrement, celui qui était au pouvoir, Erdogan, c'était un des membres du parti islamiste, des Ikhwan en Turquie. Et là, je pense qu'ils ont perdu les élections. Donc, c'est pour vous dire, c'est Ikhwan qui se base sur les méthodes des koufars pour essayer d'établir l'islam, c'est toujours voué à l'échec. Comment, yani, subhanallah, dans des pays musulmans, ils se permettent d'utiliser ces méthodes-là qui sont contraires à l'islam, soit qu'ils utilisent le terrorisme et la violence, ou bien soit qu'ils utilisent la démocratie, ces deux méthodes sont contraires à l'islam. Donc à chaque fois, ils tombent soit d'un extrême ou dans l'autre. Hein? Allah al-Musta'an. Donc tout ça, ça ramène les conséquences de qu'est-ce qu'on voit actuellement et présentement. Le cheikh, il dit ensuite, Amra bis-sabri عليه الصلاة والسلام قال عبادة بن الصامت رضي الله عنه أن بايعنا على السمع والطاعة في منشطنا ومكرهنا وعسرنا ويسرنا وأثرة علينا وأن لا ننازع الأمر أهله إلا أن تروا كفرا بواحا عندكم من الله فيه برهان والكفر البواح لا يحتمل التأويل ولا يقبل التأويل واضح كالشمس فحينئذ للمسلمين أن يخرجوا على هذا الحاكم الذي وقع في الكفر الواضح بشرط أن لا يكون في خروجهم مفسدة أكبر من بقاء هذا الحاكم الكافر لأنه قد يخرج بعض الناس والضعفاء فيفتك بهم فيضيع الدين والدنيا فتكون مفسدة أكبر فلا نخرج إلا إذا اطمأننا إذا كان كافرا اطمأننا على أن المصلحة في الخروج وأننا سنسقطه بسهولة دون سفك دماء Le cheikh, il dit, le prophète sallallahu alayhi wa sallam nous a ordonné la patience. Il a dit, sallallahu alayhi wa sallam, comme c'est mentionné par Ubadat ibn Samit, qui a dit, nous avons donné l'allégeance au messager d'Allah, sallallahu alayhi wa sallam, à l'écoute et l'obéissance, dans les moments où on est fort, motivé, et dans les choses qui sont difficiles pour nous. Et c'est-à-dire quand on est motivé et quand des choses nous déplaisent, quand c'est quelque chose qui est facile, quand c'est difficile, et même si c'est quelque chose qui est fait à notre dépens, c'est-à-dire quand on se donne les dirigeants qui sont au-dessus de nous se donnent des privilèges dans les affaires de la dunya à notre dépens, ils prennent les droits qui leur reviennent et ils nous privent de nos droits. Hein? Ils sont injustes. Donc le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit, quand vous allez voir ça, vous ne devez pas disputer l'autorité et le pouvoir à celui qui le détient, excepté si vous voyez une mécréance qui est claire et évidente au sujet de laquelle vous avez à son sujet une preuve venant d'Allah. Alors dans ce cas-là, oui. Hein? Et le cheikh explique, c'est-à-dire si le dirigeant fait un kouf qui est bawah, c'est-à-dire qui est clair, un kouf qui ne peut pas avoir d'autre signification que le kouf, quelque chose qui ne peut pas être interprété autrement que par le kouf, un kouf qui est tellement clair que c'est comme le soleil. Alors à ce moment-là, les musulmans doivent sortir contre ce dirigeant. Lorsqu'il a commis ce kouf clair. Il y a un kouf clair qui est apparent. Et il a dit, et à condition que quand ils vont sortir contre lui, ça ne va pas ramener un mal qui est plus grand que yani le fait de garder ce dirigeant mécréant au pouvoir. Donc il donne un exemple, il dit, des fois il y a des gens qui sont faibles, et ils ont un dirigeant qui est kafir, mécréant. Puis ils décident de sortir contre lui et ils se font écraser. Alors dans ce cas-là, ils n'ont pas gagné ni dans la religion, pour aider la religion, et ni pour aider leur dunya, parce qu'ils perdent leur dunya aussi par la suite. Soit ils se font tuer ou se font mettre en prison. Hein? Sans oublier qu'avant d'être tués, parfois ils vont être torturés. Tout ça à cause du fait qu'ils ont voulu sortir pour enlever ce kafir du pouvoir, mais ils n'ont pas su, hein, regarder et analyser les choses comme il faut, pour savoir qu'ils vont être capables de le faire sans que ça ramène un plus grand mal. Et regarde, comme tu dis, la Syrie, c'est un bon exemple. Hein? Subhanallah, je me rappelle à l'époque, subhanallah, ça c'est avant même que j'ai étudié à Médine, il y avait un cheikh à Montréal qui me donnait des cours d'arabe, et c'était quelqu'un qui était sur la sunna, qui était sur la salafia. Et souvent il me traduisait des paroles de Cheikh Al-Albani. On écoutait des cassettes de Cheikh Al-Albani lorsqu'il avait des rencontres avec à l'époque de la Bosnie, quand il y avait la fitna en Bosnie et les problèmes en Algérie, et il réfutait ces gens-là qui faisaient ça, et il nous parlait de qu'est-ce qui s'était passé même en Syrie, parce que lui est d'origine syrienne. Il nous parlait de qu'est-ce qui s'était passé en Syrie à l'époque, hein, quand le père de celui qui est au pouvoir, le père de Bachar, celui qui était Hafiz avant, Hafiz al-Assad, qui avait fait bombarder une ville, la ville de Hama. Il l'a fait bombarder au complet, il a exterminé tout le monde qui était dedans. Il nous parlait de tout ça. Et subhanallah, aujourd'hui, eh bien, il est tombé dans la fitna à cause de ce qui s'est passé en Syrie maintenant, et il défendait qu'est-ce que ces gens-là ont fait de se révolter contre Bachar. Donc aussi vrai qu'on rêve que Allah remplace Bachar par un dirigeant qui est juste et qui est sur la sunna et qui applique l'islam, mais on sait très bien que si on n'est pas capable de l'enlever du pouvoir sans faire de la fitna, que c'est pas permis, hein? Donc le cheikh il dit, si il dit, on ne doit pas sortir si on n'est pas certain et on n'est pas en paix, et on n'est pas certain que ce kafir, en sortant contre lui, ça ne va pas ramener des conséquences plus grandes. Si par exemple tu dis on est capable de l'enlever du pouvoir, ça va être facile, et on va pas faire couler le sang, et on va pas, il y aura pas l'honneur des hommes et des femmes ne vont pas être atteintes, et il y aura pas de méfaits plus grands. Dans ce cas-là, oui. Mais si ça va être plus compliqué, plus difficile, et ça va faire couler le sang des innocents, et ça va attaquer l'honneur, ça va toucher et atteindre l'honneur des musulmans, et ça va faire des méfaits plus grands, dans ce cas-là, c'est pas permis. Dans ce cas-là, c'est pas permis de rentrer dans ce genre de choses-là, même si c'est un dirigeant kafir. Donc le cheikh, il dit ensuite, « Wa amma idha baqiya fi da'irat al-islam, تروي أم سلمة رضي الله عنها أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال إنه يستعمل عليكم أمراء فتعرفون وتنكرون فمن كره فقد برئ ومن أنكر فقد سلم ولكن من رضي وتابع قالوا يا رسول الله ألا نقاتلهم قال لا ما صلوا. C'est-à-dire que le prophète sallallahu alayhi wa sallam, le cheikh il dit que tant que les dirigeants, par contre, s'ils sont restés dans le cercle de l'islam, c'est-à-dire ils n'ont pas quitté la religion, ils ont commis des injustices et des péchés, mais ils sont toujours musulmans, eh bien, Salama, radiallahu anha, elle a rapporté que le messager d'Allah, sallallahu alayhi wa sallam, a dit, il y aura des dirigeants et des responsables sur vous. Vous allez certaines choses qu'ils font, vous allez les approuver, et d'autres, vous allez les condamner. Vous allez être contre, vous n'allez pas être d'accord. Il dit, celui qui déteste ce qu'ils font, il est innocent. Celui qui condamne, il a été épargné et sauvé. Mais celui qui est satisfait de ce qu'ils font et qui suit, ça c'est lui qui est perdu. Et il dit ensuite, قالوا يا رسول الله est-ce qu'au messager d'Allah est-ce qu'on ne doit pas les combattre? Il a dit non, tant qu'ils font la salat. Et dans, et le cheikh il dit madame yusalli fala yajuz al khuruj alayhi wa ma qala la ma aqamu as salat qala la ma sallu wa madame yusalli zahiruhu al islam wa annahu fi da'irat al islam fala yajuz al khuruj alayhi li'annahu الخروج لأن الخروج يؤدي إلى سفك الدماء وانتهاك الأعراض وما استفاد الناس من الخروج على الحاكم أبدا. Donc le cheikh il dit, donc tant qu'il fait la salat, t'as pas le droit de sortir contre lui. Et il n'a pas dit tant qu'ils établissent la salat, il a dit tant qu'ils font la salat. Et donc du moment qu'ils font la salat et qu'ils sont musulmans en apparence, alors ils sont encore dans le cercle de l'islam, on n'a pas le droit de se révolter contre lui. Et il dit pourquoi? Parce que le fait de se révolter contre les dirigeants, eh bien, ça va faire couler le sang des musulmans. Ça va faire en sorte que on va porter atteinte à leur honneur. Et les gens n'ont jamais rien profité de ce genre de choses. Les gens n'ont jamais rien profité de ce que ces gens-là ont fait comme révolte contre les dirigeants. Dit خروج اهل المدينه على يزيد ترتب عليه مفسده عظيمه. خروجهم على بني اميه وعلى يعني بني العباس ما ترتب عليه الا الفساد والهلاك والدمار. فلم يستفد المسلمون من هذه الخروجات ابدا. ودائما تأتي مفسدها أو مفاسدها أكبر وأكبر وأكبر وأشد من المصالح أو من مصالحها. Donc le cheikh il dit, les gens qui sont sortis, les gens de Médine à l'époque de Yazid, quand ils sont sortis contre Yazid, il dit ça n'a ramené rien d'autre que des méfaits, des grands méfaits et des problèmes. Et quand ils sont sortis contre Bani Umayya, la dynastie de Bani Umayya et de Bani Abbas, c'est la même chose. Ça n'a ramené que du désordre et de la destruction et de la perdition. Et les musulmans n'ont rien profité, n'ont jamais rien profité de ces révoltes. Et il dit à chaque fois, les méfaits ont été plus grands, plus grands, plus grands et plus durs que les bienfaits. Il dit « Wa'tabiru bis-somal » كان حاكمها فاسقا فاجرا فخرجوا عليه فاستمروا في دوامة من الفتن والدماء إلى يومنا هذا. صدام الفاجر البعثي الخبيث انظر ولما أسقط ماذا يحصل في العراق إلى يومنا هذا وماذا سيحصل على هؤلاء الذين يتظاهرون الآن؟ ما الذي سيترتب على أعمالهم الآن؟ والله أنا آسف الأسف الشديد أنه لا ذكر للإسلام في هذه المظاهرات كلها. Donc le cheikh il dit, prenez la leçon également de la Somalie. Le dirigeant en Somalie à l'époque, il était un pervers, un pécheur, et ils se sont révoltés contre lui. Et regardez jusqu'à aujourd'hui, les fitans et les désordres et le sang continuent jusqu'à maintenant. Regardez la Somalie maintenant. Et avec les shabab, les khawarij, les shabab, qui prétendent vouloir appliquer la charia. La même chose. Regardez en Irak, il dit Saddam, le pervers, le socialiste Ba'ati, Ba'ati, Khabith, le mauvais. Regardez comment il a fini. Lorsqu'il est tombé, qu'est-ce qui est arrivé à l'Irak? Regardez comment ils sont jusqu'à maintenant. Toujours des problèmes. Et il dit, et qu'est-ce qui va y arriver avec ceux qui font les manifestations? Il parlait des manifestations à l'époque, il n'y a pas longtemps, le printemps soi-disant arabe. Où est-ce que ça les a amenés? Et qu'est-ce que ça leur a donné? Hein? Quelles conséquences ont eu leurs actions jusqu'à aujourd'hui? Il dit, par Allah, c'est désolant, c'est désolant. Il dit, je suis désolé. Et ça, c'est quelque chose. Hein? Malheureusement, il dit, même ces gens-là qui prétendaient vouloir, qui faisaient des manifestations, ils n'ont jamais mentionné dans ces manifestations-là qu'ils voulaient l'islam. Ils voulaient juste, ils disaient juste, on veut la liberté, on veut la démocratie, on veut l'argent, on veut du travail. Ils ne mentionnaient même pas l'islam. Il dit, وَبَعْضُ الْحُكَّامِ يَحْكِي الْإِجْمَاعَ عَلَى هَذِي الدِّمُقْرَطِيَّةِ يَنْطَلِقُونَ مِنَ الدِّمُقْرَطِيَّةِ المطالب الشعبية كلها تنطلق من الديمقراطية وليس فيها مطلب إسلامي أبدا والعياذ بالله والحكام حلولهم ديمقراطية فيا ضيعة الإسلام. Donc le cheikh il dit, les écrivains aujourd'hui, ils mentionnent le consensus sur la démocratie, comme s'ils étaient tous d'accord sur la démocratie, et tout ça, ça part de la démocratie, les révolutions populaires. Elles partent tous de la démocratie. Et il n'y a aucune demande qui est faite au nom de l'islam ou qui est islamique. Donc, il dit, les dirigeants, la seule réponse et le seul remède ou solution qu'ils présentent, c'est soi-disant la démocratie. Donc, il dit, c'est comme si les gens ont perdu l'islam. Ma aqamu fikum as-salat. نعم سأسيب نوت فيرسيون أبخل الشيخ الذي نسأل الله تبارك وتعالى أن يهيئ لهذه البلدان علماء ناصحين يقودونهم بكتاب الله وسنة رسول الله صلى الله عليه وسلم وأن يهيئ لهم حكاما صالحين ناصحين يحكمون بشريعة الله تبارك وتعالى بكتاب الله وسنة رسول الله عليه الصلاة والسلام. Donc il dit, on demande à Allah qu'il prépare et qu'il amène pour ces pays des savants qui sont sincères et qui donnent le bon conseil à leur population et à leurs dirigeants, et qui les dirigent par le livre d'Allah et la sunna de son messager, et qu'ils préparent pour également ces pays-là des dirigeants qui sont pieux, qui sont vertueux, qui sont sincères, qui jugent par la sharia d'Allah et par le livre d'Allah et la sunna du messager sallallahu alayhi wa sallam. In al-hukm illa lillah amara an la ta'budu illa iyyah. الحكم لله وحده وربنا سبحانه وتعالى الذي خلقنا وخلق الأرض وخلق السماء وأمدك بالنيل وأمدك بالنيل وأمدك بالأنهار والجنان وكل شيء تنساه وتنسى تشريعاته وتتعلق بتشريعات اليهود والنصارى ما أحد قال حتى صوت الخوارج موجود عندهم مع الأسف الشديد نحن نضم الخوارج ونضم خروجهم ونحاربهم لكن هؤلاء تحت الخوارج مطالبهم تحت مطالب الخوارج بدرجات ودرجات مع الأسف الشديد. Donc le cheikh il dit, Allah subhanahu wa ta'ala il dit, le jugement n'appartient qu'à Allah et il a ordonné que personne, rien ne soit adoré excepté lui. Le jugement doit uniquement appartenir à Allah seul. C'est lui notre Seigneur, c'est notre Créateur qui a créé la terre, qui a créé les cieux, qui nous a donné le Nil, qui nous a donné les rivières, qui nous a donné les jardins et toutes choses. Et nous, on oublie Allah et on oublie sa législation et on s'accroche à des législations créées par les Juifs et les Chrétiens. Aucun d'entre eux, on les a entendus appeler à juger selon l'islam. Il dit même ils sont plus bas que l'appel des Khawarij. Et on y dit, il dit, les Khawarij, on les blâme. Et on blâme leur révolte. Et on leur fait la guerre. Mais en même temps, même ceux-là qui ont fait ces manifestations, ils ont été même en dessous des demandes des Khawarij, à des degrés et des degrés beaucoup plus bas encore. Parce qu'ils n'ont même pas osé demander au nom de la charia ou de demander l'application de l'islam. Donc le cheikh dit, فَنَحْنُ نَنْصَحُ الْمُسْلِمِينَ حُكَّامًا وَمَحْكُمِينَ أَنْ يَعُودُوا إِلَى اللَّهِ تَبَارَكَ وَتَعَالَى وَأَنْ يَعُودُوا إِلَى كِتَابِ اللَّهِ عَزَّ وَجَلْ. Donc le cheikh dit, on demande, il dit, nous on conseille à tous les musulmans, que ce soit des dirigeants ou des dirigés, c'est-à-dire ceux qui font partie de la population, de revenir à Allah et de revenir au livre d'Allah. Donc le cheikh, qu'est-ce qu'il dit ici? C'est un conseil général pour la Ummah et pour les musulmans. Ça c'est très important, parce que en fait, qu'est-ce qui se passe maintenant, c'est que beaucoup de musulmans, ils pensent, ils disent, la solution c'est la démocratie. Et pour régler les problèmes, il faut que les musulmans appliquent la démocratie, il faut que les dirigeants acceptent la démocratie. Mais la démocratie, ce n'est pas la solution de nos problèmes. C'est-à-dire même si on applique la démocratie, même si les dirigeants dans les pays musulmans commençaient à être des vrais démocrates, ou bien un peu plus proche de l'exemple des pays occidentaux, ça ne va pas régler les problèmes dans les pays musulmans. Au contraire, même ça va augmenter les problèmes dans les pays musulmans. Pourquoi? Parce que le système démocratique est en opposition totale avec la législation divine. Puisque déjà en partant, la démocratie, ça signifie que c'est les hommes qui doivent décider des lois et voter et décider du système et organiser les lois. Et Allah subhanahu wa ta'ala, dans le Coran, il a révélé des lois déjà. Des lois qui existent déjà sur toutes les questions que les humains ont besoin de connaître. Hein, sur ce qui a rapport avec le pouvoir, sur ce qui a rapport avec les affaires de la vie économique, les affaires de la vie politique, les affaires de la vie sociale, les relations entre les hommes et les femmes, le mariage, le divorce, l'héritage. Toutes ces lois-là sont mentionnées dans le Coran et dans la Sunna. Toutes les règles qui ont rapport avec la religion et l'adoration, toutes ces choses-là sont des choses qui ont été clarifiées dans la charia. Les règles du commerce aussi, et les règles qui ont rapport avec tout ce qui est juridique aussi, tout ça c'est géré par la charia d'Allah. Donc, qu'est-ce qu'on va faire avec les lois d'Allah si on applique la démocratie? On va prendre le Coran, on va le jeter à la poubelle? Hein? Quoi, le Coran c'est juste révélé pour qu'on le récite, et ça s'arrête là? On le récite avec la belle voix, mais on n'applique rien de ce qui est écrit dedans? Et on ne juge pas selon ce qui est écrit dedans les choses réelles et concrètes de la vie, de tous les jours? Donc Allah subhanahu wa ta'ala, il a révélé le Coran, mais il ne l'a révélé pas pour qu'on juge selon ce qui est écrit dedans. Donc si celui qui pense ça, en réalité, ce n'est pas un vrai musulman. Hein? Ce n'est pas un vrai musulman, parce que le Coran, il y a tout dedans. Et il est complet et parfait. Donc on n'a pas le droit de se détourner de ce qui est dedans, puis d'appliquer autre chose. Hein? Ou d'appliquer des règles qui viennent des koufars, des ennemis d'Allah. Des gens qui détestent Allah, qui détestent sa révélation, qui détestent la foi, et qui sont des ennemis de la religion. Donc toi, tu te tournes vers eux, puis tu prends qu'est-ce que eux ont déterminé comme règle et comme loi, et tu laisses de côté qu'est-ce qui est révélé par Allah. Ça, il n'y a pas de doute que c'est de l'égarement. Donc les dirigeants et les peuples musulmans doivent revenir à Allah et revenir au livre d'Allah. Il dit: وَيَكُونُ لَا هَمَّ لَهُمْ إِلَّا الْإِلْتِزَامِ بِالشَّرِيعَةِ وَتَطْبِيقِ هَذِهِ الشَّرِيعَةِ الْغَرَّاءِ تطبيق نصوص هذا الكتاب الذي لا يأتيه الباطل من بين يديه ولا من خلفه فالسعادة كل السعادة في التزامها وتطبيقها وتطبيق سنة محمد صلى الله عليه وسلم والهلاك والدمار والشرور والفتن والمحن كلها تنصب على من يخرج عنهما. Donc le cheikh il dit ça, et on va s'arrêter ici. Le cheikh il dit que les musulmans, ils doivent appliquer donc le livre d'Allah et appliquer la charia d'Allah et appliquer les textes du Coran. Parce que les textes du Coran, il n'y a rien de faux qui peut l'approcher. Il n'y a rien qui peut approcher le Coran comme fausseté, ni par devant, ni par derrière. Comme Allah il le mentionne dans le Coran. Il dit comme le bonheur, tout le bonheur est dans le fait d'appliquer et d'établir la charia, et d'établir le Coran, et d'établir la sunna du prophète Mohammed. Tandis que de se détourner et de sortir de la charia d'Allah et de la révélation d'Allah, c'est ce qui amène la perdition, c'est ce qui amène le désordre, c'est ce qui amène le mal et les fitnes. Naam. Donc il ne faut pas rentrer dans le petit jeu des koufars qui veulent appeler les musulmans à se dévier et à s'écarter de l'islam et les détourner, surtout avec qu'est-ce qui se passe comme terrorisme dans les pays musulmans, parce qu'ils essaient de justement inciter les khawarij et ces gens-là à faire des attentats terroristes dans les pays musulmans pour que les musulmans soient dégoûtés de l'islam. Hein? C'est un complot qu'ils ont, hein, pour essayer de faire en sorte que les musulmans voient les actes de terrorisme qui sont faits par ces terroristes, par ces criminels, puis qu'ils disent par la suite, hein, que ça c'est pas bon et que c'est à cause de la religion, et après ils vont commencer à se détourner de la religion à cause de ces gens-là. Donc c'est une ruse, c'est un complot, ça fait partie de leur plan. Hein, quand ils ont voulu détourner les gens des religions de mensonges, du christianisme et du judaïsme et des autres croyances, ils ont utilisé les mêmes méthodes. Hein, et avec les autres religions, ils ont eu beaucoup plus de facilité, parce que les bases de ces religions-là sont corrompues. Mais avec l'islam, ils ne peuvent pas attaquer le Coran, ils ne peuvent pas attaquer la Sunna. Alors ils sont obligés d'avoir recours à ces méthodes sadiques, hein, et ces méthodes sauvages et barbares, hein, de faire en sorte que des gens soient massacrés et tués. Hein, et ils font ça au nom de l'islam, puis après les gens se disent, eh mais si c'est ça l'islam, dans ce cas-là moi je veux rien savoir de l'islam. Et après ils s'écartent de l'islam, et ça c'est une injustice, parce que l'islam est innocent de ce genre de comportement-là et d'attitude-là et d'action-là. Donc on va s'arrêter ici pour aujourd'hui, inshallah. Subhanakallahumma wa bihamdik. أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليه وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين وفيك بركاته الحمد لله.